Le dirigeant suprême Kim Jong-un a reçu un présent et une médaille de la part des participants au séminaire national nigérien sur les idées du Juche ce thème. La direction de son excellence Monsieur Kim Jong-un, grand homme sans égal, et la capacité de se renforcer soi-même. Ibrahim Mantou, membre du comité de crédit du Parti populaire démocrate nigérien et président de l'association d'amitié Nigeria-Corée, les a transmis le 5 à l'ambassadeur coréen dans son pays.